boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Avec Summer Cannibals, morceau que j'ai découvert dans le générique de fin du premier épisode de la cinquième saison de Billion. Allez, je ne suis pas là pour parler de moi, mais plutôt pour évoquer mon deuxième album pépite. Le concept, c'est clair, c'est rock, c'est simple. Des artistes font mouche du premier coup, en produisant dès leur premier album l'essence même de ce qu'ils sont. Un album avec des perles musicales qui s'accumulent. Ce soir, c'est le premier album de Sinead O'Connor, The Lion and the Cobra, qui a illuminé l'année 1987, notamment avec la piste numéro 1, Jackie. On écoute Sinead O'Connor. Jackie left on a cold dark night, telling me he'd be home. J'écoutais pas mal Depeche Mode, In Excess et autres Cure, alors inutile de vous dire que Sinead O'Connor a pas mal bousculé mes petites oreilles, notamment avec ce premier morceau qu'on vient d'écouter, Jackie, dans lequel la diva chauve irlandaise semble pleurer le départ mystérieux de Jackie. Mais en 87, une autre comète est apparue, un dénommé Terence Trent D'Arby, avec le titre doux et sucré Sign Your Name. Shines bright, shoot up, peaceful day. Comme je dis souvent, abondance de bien ne nuit pas. Lorsque c'est pour de la musique, on écoute un deuxième morceau de Terence Trent D'Arby. Say a prayer for me. If you are À l'instant avec les deux titres de Terence Trent D'Arby, mais revenons au premier album pépite de Sinead O'Connor. En 87, cette artiste dénote, crâne rasé, pieds nus sur scène comme dans la vie, elle sera adoubée par The Edge et Bono du groupe U2. Militante, elle n'aura de cesse de marquer ses différences, comme dans Mandika, morceau dans lequel elle avoue son amour inconditionnel pour Mandika, langue africaine, qu'elle assimile à un être aimé. On écoute donc la piste numéro 2 de l'album de Lion and the Cobra, Sinead O'Connor, Mandika. Thank you. Militante Sinéad O'Connor le sera et l'est encore car ses engagements, elle les prend encore aujourd'hui et malgré une vie tumultueuse, à bras-le-corps comme lorsqu'elle chante en 87 Jérusalem, où elle exprime un mélange de désespoir, de désillusion, voire de colère sur ce qui se passe alors à Jérusalem. Troisième piste du premier album pépite de Sinéad O'Connor, Jérusalem. Ensemble dans Pop and Rock sur RVR pour le premier album pépite de Sinéad O'Connor. Et là, on rigole plus, car on va se plonger dans la piste 4 du Lion et du Cobra. Sinéad O'Connor nous fait une fois de plus partager ses déceptions face au monde des années 80, alors elle espère que l'être aimé sera là pour elle. Sera-t-il là? Just like you said it would be. I will learn how to run with the big said it would be. It's just like you said it would be. It's just like you said it would be. It's just like you said it would be. I can see too many mouths open, too many eyes closed, gaze closed, not enough minds open, too many legs open. Tell me, tell me, tell me, tell me, do. Why isn't it why? I don't see why isn't why. Donc Lion and the Cobra, l'album de Sinead O'Connor. Mais en 87, il y avait également ce genre de bouffée d'oxygène. Le groupe, c'est In Excess. Ils viennent d'Australie. Le morceau, c'est Guns in the Sky. Crashes in all around, it gets in. Now take your hands and raise them up into the air that's all around you. Now bring them down like a clock at two. And shake your head, you know what to do. They wanna put guns in the sky. Someone out there ain't gonna like it. Well, it could be good. Make us love each other. Have to realize our own future. Oh, guns in the sky. Guns in the sky. Guns in the sky. Guns in the sky. Guns in the sky. Child grows up to see guns in the sky. Used to be on TV. Wanna change? Forgot the joke. Well, it's great to see you, and I'm running late. Da da da, love your hair. Da da da, lend me a tear. Da da da, I love your big house. Da da da, you good. It's a load of shit. We can stop the world and let off all the fools and let them go live with their guns in the sky. La voix de Michael Hutchence, chanteur de In Excess, parti prématurément et qui aurait certainement voulu ne jamais vieillir et aurait peut-être préféré être aveugle afin de ne pas voir le monde se dérober autour de lui, à croire que le cinquième morceau du Lion et du Cobra a été écrit pour lui. Le morceau, c'est Never Get Old, Sinead O'Connor. Satellite to a lion is a neher. You to the horses and lion dog is a dragon. Young woman with a dream in her hand. She likes to listen to rock and roll. She moves with the music. Never gets old. It's the only thing that never gets old. Young man in a quiet place, got a hug on his arm, loves Oh, page Facebook de Pop and Rock. Retrouvez toutes les émissions en podcast. Dublin in a rainstorm, sitting in the long grass in summer, keeping warm. I remember it. Every restless night, we were so young then. We thought that everything we could possibly do was right. And we moved, stolen from our very eyes. And I wondered where you went to. And tell me, when did the light die? You will rise. You'll return, let me the phoenix from the flame. We'll learn, we'll rise. You'll return, being what you are. There is no other troll for you to burn out. To hurt you, I swear I didn't mean those things I said. I never meant to do that to you. Next time I keep my hands to myself instead. Oh, does she love you? What do you want to do? Does she need you? For you, does she hold you like I do? la piste numéro 6 de l'album The Lion and the Cobra. On l'a écouté à l'instant et c'est un titre encore une fois plein de désillusions de notre dublinoise préférée. Histoire pleine de promesses et d'amour qui se termine dans un déséquilibre affectif total. Ce qui semble bien caractériser ce qui a été la vie de Sinead O'Connor. Et la piste 7, I Want Your Hands On Me, n'est pas plus optimiste, mais qui a un morceau magnifique. En même temps que j'écoutais Sinead O'Connor, j'apprenais à aimer une petite nénette américaine qui chantait Luca, Suzanne Vega. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. And it's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me. C'est l'époque des Reagan, des Gorbatchev, des Thatcher, Saddam Hussein et autres Mitterrand. C'est aussi le temps des guerres en Afrique, au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Est-ce là que Sinéad O'Connor trouve l'inspiration pour écrire le morceau situé sur la piste 8 de son premier album? Pas sûr. Cette chanson parle des hommes qui se laissent aller vers leur côté sombre, mais que notre Irlandaise essaie de voir sous leurs meilleurs jours, malgré tout. Drink Before the War. Sing a song. inside your heart you refuse to feel. Voyage en Irlande se termine, on va se quitter avec la dernière chanson du premier album de Sinéad O'Connor, Just Call Me Joe. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous.